Chapitre 5e. Le mariage se fit 2 mois après, sans aucun appareil et presque secrètement à la villa. Massimo avait été absent pendant tout ce temps et n'était arrivé que la veille. La marquise, toujours étonnée et ayant presque renoncé à comprendre, ne songea plus qu'à être aimable et le fut d'une façon exquise. Elle résista à la tentation très forte de sermonner un peu son neveu, qui malgré ses grands airs ne l'intimidait pas. Mais réellement, elle ne se remettait pas de sa stupeur. La cérémonie eut lieu dans la petite chapelle privée. Massimo et Mademoiselle Valenti étaient en habit de voyage. Aussitôt après, ils partirent. Quand ils furent seuls dans un wagon-salon de l'express entre Milan et Florence, Elisa sentit plus intensément encore que dans les jours précédents toute l'étrangeté de sa position. Il lui semblait être elle-même l'héroïne d'un roman qu'on raconterait, et jouait un rôle, non pas sur un théâtre, mais pour de bon, dans une comédie qui serait la vie elle-même. Surprise, elle se regardait agir, comme il nous arrive en rêve, actrice et spectatrice en même temps. Massimo, d'une courtoisie fine et discrète, moins familier peut-être qu'il ne l'avait été auparavant, mais amical, se taisait ou causait naturellement, tout aussi à son aise qu'il l'eût été dans le tête-à-tête le plus banal. Car il possédait cette science si difficile des manières, qui fait que partout et toujours on trouve la note juste. Mais Elisa l'écoutait et répondait machinalement, distraite. Elle était dans une de ces heures où le cerveau travaille seul et pour son propre compte, et où les idées s'agitent tellement qu'elles se neutralisent presque. C'est surtout dans ces moments-là qu'à la question « À quoi pensez-vous ? » nous répondons « À rien ». Il lui semblait avoir perdu le sens de la réalité des choses et la certitude de sa propre individualité. En même temps que des doutes lui passaient rapidement par l'esprit, elle éprouvait une crainte indéfinie de mal faire et de se réveiller de ce rêve réel qui lui procurait déjà le soulagement immense de se sentir sauvée, délivrée de l'obsession dont elle avait tant souffert. Enfin, elle pouvait librement respirer et cela l'étonnait. Quelque chose lui manquait. Quoi donc ? Se disait-elle, et elle s'apercevait que c'était le poids qui jusqu'alors avait écrasé sa poitrine. Tandis que devant son esprit tant d'images se déroulaient, tout son corps s'assoupissait dans un grand et nouveau bien-être matériel. Elle se sentait presque chez elle, dans le wagon bien clos, que la lampe de la voûte éclairait à peine. Chaudement emmitouflée dans son manteau, loin des craintes et des tracas, immobile, quoique entraîné à toute vapeur vers un port inconnu, il lui semblait être soulevé et emporté de force par une puissance irrésistible et bonne, et dans l'engourdissement graduel de son être, un sentiment presque involontaire de confiance aveugle la gagnait, plus fort que ses pensées. En s'abandonnant à ses sensations, il lui semblait faire ce qu'elle devait. Massimo causait à tort et à travers, mais d'une manière intéressante, puis il se taisait, comme peuvent le faire deux amis que le silence ne gêne pas. Mais, à travers ses rêveries changeantes et la causerie de son compagnon de voyage, Élisée écoutait attentivement le fracas régulier et cadencé du train, et dans ce bruit monotone, son oreille démêlait toutes sortes de musiques imaginaires qui semblaient une traduction de ses pensées trop vagues dans une langue inconnue. La nuit était froide. Par les vitres bien fermées de la voiture, on ne voyait que l'obscurité, sillonnée parfois d'une brusque lueur à l'approche d'une station. Dans ce petit espace, sa vie entière lui paraissait renfermée. Que pouvait-il encore y avoir au dehors ? Et dans cette boîte chaude et commode, environnée de froides ténèbres et courant à travers l'espace, sur une trace de fer où rien ne pouvait surgir, elle devinait un symbole de sa destinée nouvelle. « Vous me permettez de fumer ?» dit Massimo. « Mais certainement. » Il alluma un cigare. Les plus insignifiants détails, une portière mal fermée, l'employé qui venait rectifier une erreur, un buffet inaccessible, un autre train qu'on croisait, tout lui fournissait une occasion pour raconter quelque incident de voyage amusant ou curieux. Le comique de sa situation, un jour que pour avoir suivi un caprice ou par distraction, il s'était trouvé courant sur une ligne, tandis que ses mâles s'en allaient à grande vitesse par une autre. Elisa, s'intéressant presque malgré elle à ce qu'il disait, à cause de sa manière de le dire, se surprit elle-même en s'entendant causer, familiariser, et raconta à son tour des impressions de sa vie nomade et des souvenirs d'enfance. Ensuite, Massimo lui esquissa quelques-uns de ses projets pour elle. La villa près de Florence, où, comme elle le savait, ils iraient maintenant, avait été complètement rebâtie et restaurée et était toute prête. Cela avait été fait la dernière fois qu'il y avait séjourné après la mort de sa sœur. Cette maison était à elle désormais. Il avait l'intention d'y passer maintenant quelques semaines. De là, il ferait des courses fréquentes en ville et dans ses autres propriétés pour affaires et pour revoir des amis. Elle pourrait aller visiter le vieux palais de Florence, qui était aussi à sa disposition, et y ordonner les améliorations qu'elle croirait utiles. Bien qu'il lui conseillât de peu changer, même à l'intérieur, les anciens appartements ayant un grand caractère. Il ajouta qu'il l'aiderait en tout cela, et que l'idée de s'occuper de son installation l'amusait infiniment. Elle pourrait, dans le monde florentin, choisir ses connaissances, à moins qu'elle ne préférât voir personne. Si, voulant mener une vie toute d'intérieur, elle craignait en même temps la solitude, il serait facile, en s'en donnant la peine, de lui trouver une dame de compagnie. N'aurait-elle pas par hasard une amie qu'elle pût inviter à venir passer quelques mois avec elle, ou avec qui elle pût aller voyager si cette idée lui souriait? Dès qu'elle aurait, d'une façon ou de l'autre, arrangé sa vie, il comptait repartir pour Paris, probablement. Du reste, de près ou de loin, elle pourrait toujours compter sur lui. Elisa se sentit confuse en écoutant ses discours et tâcha de lui exprimer sa profonde reconnaissance, tout en le priant de ne pas se déranger pour elle et l'assurant qu'en paix et tranquille, elle ne désirait rien. « Je suis sûr, dit Massimo, que vous ne vous repentirez jamais d'avoir eu confiance en moi. Mais il est très tard pour vous. Je vais tout arranger pour que vous puissiez essayer de dormir. Quant à moi, cela ne sera pas difficile. Je dors en wagon comme dans mon lit. » Il la coucha, tira le petit rideau de la lampe, lui souhaita une bonne nuit, et quand il la vit immobile, fuma encore une cigarette, puis s'étendit à son tour et ne tarda pas à s'endormir. Mais Elisa, elle, ne put s'assoupir. Accoudée, elle regardait tantôt Massimo étendu, tantôt les objets épars. Ses yeux se fixaient sur la serrure d'argent d'un sac de voyage où la lumière se reflétait, ou sur le dessin compliqué d'un plaid, et elle le contemplait longuement. Malgré tout, la présence de cet homme couché auprès d'elle l'étonnait. Étendu, il paraissait d'une taille démesurée, et par moments la rendait presque craintive. Sa pensée voyageait, courait bien plus vite que le train, et non pas dans une seule direction, en ligne droite, mais dans tous les sens, tantôt ne voyant que la minute présente, puis se perdant dans l'avenir. Ensuite, et plus souvent, s'enfonçant dans le passé, dans ce passé qui avait été toute sa vie. Plus que jamais, dans cette nuit, l'image de celui qu'elle avait à tout jamais perdu surgissait devant elle pour la charmer tristement et l'obséder sans cesse. Ce nom, Giulio, paraissait se dessiner continuellement devant ses yeux, vainement fermés. Tous les souvenirs les plus doux et les plus douloureux revenaient la mordre au cœur. Mais elle pensait à ce que la marche de sa vie avait maintenant de merveilleux. Elle revoyait des amis depuis longtemps disparus, des compagnes de son enfance connues à l'étranger, et elle se disait que, certes, leur destinée ne pouvait ressembler à la sienne. Elle pensait aussi à sa mère, folle de joie et d'orgueil, à son père, aussi vaniteusement heureux, à M. Gorletti, furieux et brouillé avec sa famille, et qu'elle aurait probablement le plaisir de ne jamais revoir. Et une foule de détails lui remplissait la mémoire et se mêlait aux éternels souvenirs de son amour perdu. Peu à peu, tout se voila, ses idées se troublèrent, elle entendit de moins en moins distinctement le bruit régulier du train qui prit des douceurs de bercement, et elle s'endormit d'un sommeil lourd et plein d'images. Parmi ses rêves incohérents, elle vit plusieurs fois une femme d'une surprenante beauté et d'une taille colossale qui la regardait avec de grands yeux noirs et resplendissants, et qui, rien qu'en allongeant vers elle sa main pâle couverte de bagues, la remplissait d'épouvante. Elle la reconnaissait sans l'avoir jamais vue. C'était la femme de Giulio. Elle parvint à s'enfuir et se trouva dans un boudoir d'une étonnante richesse, où la marquise Arambelli la tenait embrassée comme la protégeant. La fenêtre était ouverte et un paysage tropical s'étendait jusqu'à une distance fabuleuse. On voyait à l'horizon la grandiose silhouette indistincte d'une ville remplie de temples dorés, tandis qu'un troupeau d'éléphants blancs s'avançait sur une route poudreuse. En même temps, les bras qui l'enlaçaient l'étreignirent à lui faire mal, et une crainte instinctive la saisit, qui se changea en terreur lorsqu'elle s'aperçut qu'à la place de la marquise, c'était Gorletti qui la tenait étroitement embrassée, en lui disant « Ah, tu croyais qu'on pouvait m'échapper ? Non, tu es en mon pouvoir et plutôt que de te laisser partir, je t'écraserai. » Et elle sentait qu'il la broyait en effet contre lui. La respiration lui manquait. Un seul cri, elle le savait, eût suffi à la rendre libre, mais il lui était impossible de le pousser. Il se mourait en efforts impuissants. L'angoisse même du cauchemar la réveilla. Il faisait jour. Une pluie battante frappait contre les vitres. Elle vit Massimo encore endormi, et un délicieux soulagement la remplit tout entière. L'horrible vision qui lui avait paru si réelle n'était qu'un rêve, et ce rêve de se trouver seul avec le marquis d'Astorre à 6 heures du matin dans un wagon et d'être marié à lui, ce rêve qui même éveillé lui paraissait si bizarre, était la simple et vraie réalité. On était au-delà des Apennins et le paysage prenait un caractère plus franchement italien. La campagne s'étendait, d'une teinte chaude et variée, peu boisée. On remarquait des maisons de plaisance peintes en couleurs claires, à toit plat et à terrasse. Une pluie fine, violente, poussée obliquement par le vent du matin, rayait le ciel gris. Les terres labourées, les champs, les villas, les paysans conduisant leurs bêtes, tout était lavé par cette averse automnale. Dans la froide lumière du matin, ce décor, toujours mouvant, mais uniforme, avait une mélancolie sans expression qui, à la longue, serrait le cœur et gênait la pensée. Elisa, fatiguée, regardait machinalement les fines hachures incessantes. « Bonjour !» fit une voix derrière elle. Ce fut avec un sourire un peu embarrassé qu'elle tendit la main à Massimo. « Eh bien, madame la marquise, comment avez-vous dormi ?»« Assez bien, merci, » répondit-elle en rougissant un peu. Ils retombèrent en silence et se turent longtemps. Tous deux songeaient différemment. Ces dernières heures leur parurent longues. Enfin, on arriva. Ils laissèrent les domestiques à la gare pour s'occuper des bagages et montèrent dans un landau qui les attendait. Les chevaux partirent au grand trot et en un peu plus d'une heure s'arrêtèrent à la villa del Giglio, devant une grande grille en fer ouvragé qui s'ouvrit d'elle-même. La voiture roula sur le sable fin de longues allées tournantes et s'arrêta devant un perron où l'on mit pied à terre. Les gens de la maison regardaient Elisa avec une curiosité intense qu'ils s'efforçaient de rendre respectueuse. On servit le déjeuner dans un petit salon à tapisserie chinoise où flambait un grand feu. Plus tard, la pluie ayant cessé, Massimo conduisit Elisa visiter la villa et le jardin. Tout la charma. La maison, vieille de 3 siècles, grande, rectangulaire avec des ailes proéminentes, massive et d'un bon style, était située sur une légère hauteur où l'on arrivait par le très vaste jardin en montant insensiblement et où l'on jouissait d'une vue ravissante. La plaine qui s'étendait au-devant de la façade avait un caractère tout spécial de gaieté calme. Au loin, on apercevait les molles ondulations des montagnes. À droite, la sympathique silhouette des collines de Fiesole et la coupole de San Miniato. Le jardin n'était ni abandonné ni trop bien tenu, mais dans les grands parterres qui s'étendaient devant la façade, on se sentait doucement réchauffé par les rayons du soleil de novembre qui venaient de reparaître, tandis qu'on devinait combien devait être agréable, en été, la profonde fraîcheur des étroites allées serpentant à travers les grands arbres touffus. À l'intérieur, les appartements avaient été habilement restaurés et remis à neuf. C'étaient de grandes salles claires au plafond couvert de fresques d'un goût violent et raffiné, où l'on avait introduit autant que possible le confort en conservant le caractère florentin des stucs, des tentures et de l'ameublement. Les chambres d'en haut, où l'on arrivait par un vaste escalier de marbre, étaient très grandes et les cabinets de toilette avaient à peu près les dimensions d'une salle de bal moderne. Ils dînèrent sur une petite table toute servie au coin d'un feu. Depuis longtemps, Elisa n'avait mangé d'aussi bon appétit. Massimo, gai comme un enfant, parvint à l'égayer aussi. Fatiguée du voyage, elle sortira de bonne heure, ne put s'endormir que très tard, mais ne se réveilla qu'à midi, lorsque sa femme de chambre ouvrit les volets et que les rayons d'un soleil pâle vinrent se poser sur les rideaux roses à grand ramage de son lit. Plusieurs semaines se passèrent ainsi. De jour en jour, les vagues craintes d'Elisa se dissipaient et elle entrait avec plus de confiance dans sa nouvelle vie, qui avait les apparences du bonheur, mais où elle ne trouvait qu'une grande paix. Et en effet, tout naturellement, le monde se préoccupa vivement de ce mariage du beau marquis d'Astorre. On s'en étonnait outre mesure, et depuis longtemps on en causait dans tous les salons de Florence. Dans la vieille société toscane, réservée et pédante, dans les réunions plus brillantes et plus variées de la colonie étrangère, chez les duchesses et chez les chanteuses, aux cassines et aux clubs, dans les loges et dans les boudoirs, on ne parlait pas d'autre chose. Les suppositions les plus saugrenues étaient formulées avec un sang-froid admirable. Les jugements les plus divers se croisaient. On approuvait, on blâmait, on souriait avec malignité. On haussait les épaules et on faisait des paris. Les gens bien informés, il y en a toujours, racontaient comment les choses s'étaient passées. Depuis longtemps, sans rien dire et en s'en défendant, Massimo voulait se marier. Mademoiselle Valenti, une coquette fieffée, avait si bien manœuvré que lui, l'homme froid et blasé, s'était amouraché d'elle comme un fou. Mais il ne se décidait pas. Alors les Valenti s'étaient servis d'un vieux juif enrichi, un certain Gosnelli, qui avait faim de demander la jeune fille en mariage pour faire sauter le marquis. Celui-ci, tout en comprenant qu'il commettait une sottise, était tombé dans le piège comme un étourneau, et l'on concluait que les hommes qui se croient plus forts que les autres finissent toujours ainsi. Quant aux Valenti, c'étaient des intrigants, on le savait, et ils avaient joué la partie avec une finesse. Selon ses habitudes, ce fou de d'Astorre va agir, à ce qu'on m'a dit, comme personne ne l'a jamais fait. Figurez-vous qu'on m'assure qu'il a décidé de ne présenter la jeune marquise nulle part. Vous verrez que maintenant qu'il est marié, il vivra comme un ours. Ces paroles furent prononcées un soir, à minuit, par Lady Thompson, dans son salon rempli de monde, un des salons les plus élégants et les plus fréquentés de la ville. Ils sont maintenant à la campagne, dans une solitude absolue. Ce que c'est que l'amour ? Voilà un homme dont le caractère et la vie vont changer d'un jour à l'autre. Et vous croyez donc, Milady, que cette lune de miel va se prolonger indéfiniment ? C'est ce qu'on prétend. Mais remarquez que moi, je n'en crois rien. Et plus ils exagéreront les choses au commencement, plus vite cela finira. Qu'appelez-vous donc exagérer les choses, Milady ? Pas de bêtises, baron, je vous en prie. Le fait est que je ne crois pas que cette jolie marquise, car on dit qu'elle est jolie maintenant, cette Valenti, quand je l'ai vue autrefois, je la trouvais affreuse, un squelette, un spectre, ma chère. Eh bien, je ne crois pas que cette jolie marquise sera jamais une acquisition pour Florence. Pour moi, dit un des messieurs, Massimo est un homme à la mer, à tout jamais perdu. Quand, au lieu de se faire ermite, le diable se marie, et dans ces conditions-là, c'est bien pire, croyez-moi. Mais vivront-ils ici ou à Paris ? Qui le sait ? On dit cependant qu'il a acheté les chevaux de ce russe, qui vient de disparaître tout à coup. Quand on pense au mariage que d'Astorre aurait pu faire, dit une dame. D'abord, et puis, grand Dieu, quel besoin avait-il donc de s'enterrer de si bonne heure ? Bravo, Milady, quoiqu'il ne soit plus si jeune, après tout. D'Astorre n'avait envoyé de billets de faire part à personne, ce qui aussi scandalisa tout le monde. La nouvelle inattendue de son mariage s'épandit donc peu à peu. On s'en étonna partout, en Italie et à l'étranger. À Paris, on refusa d'abord d'y croire, et puis là aussi, il y eut des commentaires sans fin. Toutes les mères de filles à marier furent surtout impitoyables contre cette aventurière que le marquis avait épousée sans qu'on pût deviner pourquoi. que de vagues espérances fondées sur rien, mais vivaces cependant, coupées dans leurs fleurs. Que de rages sourdes, de dépits secrets chez les femmes de toute espèce, dans tous les mondes. Que de sourires méchants, que de mots ironiques, que de projets de vengeance ou de revanche, que de larmes cachées, peut-être. Le plus souvent, on en riait tout haut, en se moquant bravement de lui, bien sûr qu'il ne pouvait entendre. La curiosité de connaître la marquise d'Astorre était générale. Mais à Florence, l'excitation produite par cet événement fut si grande qu'on ne se contenta plus d'en causer à chaque instant et de colporter tous les cancans qu'on débitait sur cet intarissable sujet. On alla jusqu'à s'en passionner vivement, comme de quelque chose qui touchait tout le monde au cœur. On finit insensiblement par se trouver d'accord sur un point, que le mariage de Massimo était un mariage d'inclination, qu'amoureux de sa femme, il ne la montrait à personne, étant jaloux, comme le deviennent toujours les sceptiques lorsqu'ils aiment. Qu'on se figure donc la stupéfaction des assistants lorsqu'un soir, d'Astorre entra au club, se mit à jouer gros jeu avec une telle persistance qu'à 8 heures du matin, il était encore à la même place et ne paraissait pas le moins du monde songer à quitter la partie. Il avait fait son entrée si naturellement, avait paru si sérieux et si calme, tellement pareil à lui-même et causant comme s'il se fût montré la veille et que rien ne fût arrivé, que personne n'osa lui poser la moindre question. Le sujet habituel de tous les soirs fut subitement abandonné. 20 personnes entouraient la table de jeu où Massimo s'était mis et regardaient la partie avec un double intérêt, celui d'en suivre les péripéties émouvantes par elles-mêmes et celui de contempler le joueur dont la présence les surprenait si hautement. Dans les autres salles, on causait de lui à voix basse, on commentait sa conduite. Les plaisanteries grossières ne faisaient pas défaut, accompagnées de clignements d'yeux significatifs. Ceux-là même qui, la veille, avaient parlé de d'Astorre comme d'un chevalier déguisé en berger, et filant le parfait amour avec sa bergère, disaient maintenant « Je m'y attendais ». Déjà, voyez-vous, il se dérange. Que sera-ce donc dans 6 mois? Je l'ai toujours dit du reste. Cela ne pouvait finir autrement. « Dis donc, commencez, » riposta un autre. « Écoutez, messieurs, » dit un troisième, en baissant la voix encore plus. « Je propose que Pierrino fasse atteler ses 4 chevaux et que nous allions tous voir la marquise. »« Eh bien » demanda-t-on à un jeune homme qui venait de la table de jeu. « Il sera heureux en ménage, il gagne tout le temps, une veine incroyable. » Bientôt, l'intérêt devint si fort que la salle de jeu fut encombrée. On se pressait aux portes. Ceux qui soupaient posaient parfois leurs fourchettes pour aller jeter un coup d'œil, et revenait avec des nouvelles. Des courriers avaient été établis entre le club et le salon de Lady Thompson. Tous se trouvaient encore là, immobiles, lorsque le jour parut. On voyait une pâle ligne de lumière se dessiner aux interstices des volets. Les bougies sur la table jetaient de grandes flammes et faisaient éclater les bobèches. La tension augmentait d'intensité. Les joueurs paraissaient fatigués. Un très jeune prince russe, invité de la veille, était très pâle. Il avait tout perdu. Seul Massimo était aussi frais qu'au moment où il avait pris place. Il gagnait 88 000 francs. « Vous m'accorderez ma revanche demain soir, je l'espère, » dit l'étranger. « Tout de suite, prince, » répondit Massimo. « Pourquoi quitter la partie? Nous sommes très bien, il me semble. J'espère que ces messieurs ne seront pas trop fatigués. Qu'on nous apporte à manger. Mon estomac ne se souvient pas d'avoir soupé. Reposons-nous 1 heure et recommençons. » « Courage, mes amis, la vie est courte. Mais il est 8 heures du matin. Qu'est-ce que cela fait? Qu'on apporte des bougies, qu'on ferme bien les fenêtres. Je ne veux pas savoir qu'il fait jour. Le jour est ignoble. » Ainsi fut fait. Massimo commença à perdre. À 3 heures de l'après-midi, il avait tout reperdu. Puis il regagna. Les autres tombaient de sommeil, brisés, mais il continuait. Dans la journée, les spectateurs revinrent. On dîna et on se remit à jouer. À 8 heures, le prince pria quelqu'un de prendre les cartes à sa place et tomba roide, endormi, sans qu'on pût jamais parvenir à le faire bouger. La revanche lui avait été accordée, il ne perdait que quelques louis. Massimo avait réussi à dérouter la veine qui le poursuivait et ne gagnait plus que 5 000 francs. « À quelle heure a-t-on fini hier la partie ?» demanda Lady Thompson aux premiers qui se présentèrent ce soir-là chez elle. Elle n'est pas finie, il joue encore. » Enfin, les joueurs se levèrent et Massimo quitta le club, laissant le champ libre au discours. Mais la partie que l'on jouait alors au club l'intéressait beaucoup. Il prit l'habitude d'y revenir. On le vit dans les théâtres, partout. Il semblait moins marié que jamais. Parfois, il disparaissait pour revenir bientôt. Forcé de se taire en sa présence et habitué peu à peu à l'étrangeté de sa conduite, qui, après tout, ne devait pas trop les étonner, les gens du monde causèrent moins de lui après quelque temps. Mais une grande curiosité les possédait tous à l'endroit de Madame d'Astorre, et l'on recommença à parler lorsqu'elle arriva à Florence. Il ne fut pas toutefois facile de la voir. Elle sortait en voiture de bonne heure et s'en allait faire un tour aux Cassines dans les grandes allées encore désertes. Tout au bout, là où la campagne commence, elle descendait de voiture et se promenait au grand air, sous les arbres aux branches nues et noires, nettement découpées sur le ciel bleu, regardant l'Arnaud gonflé, fuyant incessamment en flots jaunâtres, dont le soleil dorait magiquement la saleté. Mais un jour, elle s'oublia un peu en se promenant, et au retour, elle se croisa avec toute la file des voitures et des promeneurs. Ce fut une bonne fortune pour tous ces yeux mondains. Ils virent alors un équipage comme depuis longtemps on n'en avait vu aux Cassines, d'un goût inimitable, une calèche ravissante, un cocher d'une tournure, des chevaux bais bruns magnifiques, magistralement attelés, harnachés, ayant des roses aux oreilles, détails coquets qui contrastaient avec la sobre simplicité de la couleur vert sombre, de la voiture et des livrées sévères, sans ornement mais sans défaut. En somme, un ensemble qu'on eût approuvé à Hyde Park. Quelques-uns parmi les passants, malgré leur curiosité, oublièrent de regarder la marquise, distraits par les perfections de l'équipage. Ceux qui la dévisageaient ne purent qu'entrevoir rapidement une femme en noir, élégante et distinguée, dont un voile épais cachait la figure. Une fois on la vit avec Massimo, mais cet équipage sans ribaud revenait toujours quand les autres allaient. Malgré tout, on continuait à croire généralement d'Astorre très aimée de sa femme, et elle très éprise de lui. La retraite dans laquelle elle vivait, le mystère de leur existence à l'écart, que la curiosité publique tâchait en vain de percer, ne pouvait qu'affermir cette opinion. On s'étonna donc beaucoup lorsque Massimo, ayant disparu depuis 15 jours, disparition qu'on attribuait à l'empire toujours croissant que sa femme prenait sur lui, on sut qu'au contraire, il était parti.